T'as pas du feu? Merci. Je t'appelle comment? Greta? Greta comment? Greta von Poppel. T'as un petit copain, Greta? Non, j'ai décidé de consacrer ma vie à notre futur Hitler. Uniquement à lui et à son combat pour notre peuple allemand. Ouais. T'as raison, Greta. Il est bon, tonton. Ça, c'est un vrai mec. Tonton? Ouais, tonton, tonton Adolf. C'est comme ça qu'on le prénomme par chez nous. Vous avez un drôle d'accent. Un accent français. Non. Notre frère Adolf Hitler nous dit que tous les Français sont juifs. Et que c'est pour ça qu'il faut faire la guerre à la France. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis un Gaulois, ouais. De pure souche, de pur sang. Je suis pas du tout juif, hein. Bon, non plus, je peux pas me les saquer, tous ces lupins qui me font chier à la téloche. La téloche? Ouais, la téloche. La télévision, quoi. TF1, M6, Canal+, toutes ces merdes propagandes juives. Ouais, c'est vrai, tu peux pas comprendre. J'ai oublié de te dire, je viens du futur, du 21e siècle. Du 21e siècle? C'est français. On m'a toujours dit que c'était des blagueurs et des mythos. Tout ça pour draguer. Mais ça ne marchera pas avec moi, ni avec aucun autre allemand. Attends, Greta. C'est la vérité. Je viens du futur. Ce sont les scientifiques de Jean-Marie et Le Pen qui ont inventé une machine à remonter le temps afin que je puisse changer le cours de l'histoire. Car en 1945, vous allez perdre la guerre. Et les générations futures vont subir la vengeance des Juifs. Et notamment en 1968 avec leur leader Cohn-Bendit. C'est faux! J'ai totale confiance en notre Führer Adolf Hitler. Il nous a promis avec toi. Et le croisement sera et puis d'abord, toi, le Français, je suis certain que tu es juif. Notre Führer a dit que tous les Français sont juifs. Et je vais demander à te faire arrêter. Attends, Greta. Je vais te prouver que je ne suis pas juif. Regarde. Tu vois? Regarde. Tu vois, elle est entière. Oh. Effectivement. Ce n'est pas un pays de juifs. Ah. Pas du tout, hein. C'est une bonne grosse queue gauloise bien chez nous. C'est beau. Un vrai chef-d'œuvre. Ils sont bons, les pignées, ces Français. J'avoue que la mienne, elle est exceptionnelle, hein. Je peux toucher. Bien sûr, Greta. C'est fait pour. Elle est appétissante. Gourmande. Une bonne gourmande bavaroise. Allez, vas-y. Oh, Greta. Oh, quelle bouche. Oh, Greta. La bonne bouche de la race supérieure. Oh, ouais, vas-y, j'ai un petit coup de langue comme ça, là. Oh, Greta. Oh, vive le Troisième Reich. Greta. Oh, vas-y. Oh, Greta. Oh, je vais pas pouvoir retourner au 21e siècle. Oh, je suis condamné à collaborer. Oh, Greta, mon amour. Oh, je vais me faire raser le crâne à la libération. Oh, Greta. Oh, Greta, à moins que je rentre dans la résistance à la dernière minute, parce que là, c'est sûr que je vais collaborer avec une telle boue. Oh, je vais collaborer. Oh, Greta. Oh, je vais juste résister à la dernière minute, comme François Mitterrand, prisonnier en Allemagne. Oh, des corrigues de la Francisque. Quelle bouche, Greta. Oh, Greta. Oh, Greta, mon amour. Oh, Greta, je viens. Oh, Greta. Avale tout. Sika. Avale. Sika. Sika.